écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 18 mai 2022 et c'est l'épisode 276. La Google I.O., la conférence annuelle de Google, a eu lieu à nouveau en presque bonne et due forme la semaine dernière. On a eu des annonces, toujours chouettes à suivre, mais qui tantôt peuvent nous enthousiasmer, tantôt nous lancer pantois quant à des lancements de produits tech. On va en parler. Et puis on a aussi une rubrique autour de l'économie, pas que la crypto-économie d'ailleurs, qui vit des moments un peu compliqués. On peut parler d'une bulle qui éclate, qui va peut-être nous amener à remettre en perspective des modèles économiques, des financements. On est peut-être à l'aube d'une nouvelle ère, tenez-vous bien. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actualité tech, ce que Jean-Marc Sylvestre ou Jean-Pierre Gaillard sont à l'actualité boursière, quand même un peu plus jeune. Votre chroniqueur chéri, qui vous avait manqué la semaine dernière, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogdiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Eh ben, ça va très bien, écoute, cette fois, comme dans l'apéro du capitaine, on va faire un petit ascenseur de la bourse. Oh, c'est bon ça, c'est très très bon. Écoute, mes repères sont bouleversés, parce que donc on n'a pas échangé ensemble la semaine dernière quand l'épisode d'autre il n'était pas là. Et puis en plus, et surtout, on enregistre un mercredi, qui est le jour des enfants, qui est une journée compliquée. En plus, il y a un enregistrement le soir, je suis complètement à la rue, mais c'est évidemment avec un grand plaisir qu'on va se poser ensemble sur les sujets tech de cette semaine, Guillaume. En attendant, sachez, vous qui nous écoutez, que tous les épisodes du podcast continuent et seront toujours accessible à tous gratuitement, c'est le principe du podcast. Mais vous pourriez aussi choisir de faire comme celles et ceux qui soutiennent Tech Café sur Patreon, qui contribuent en participant à la hauteur du prix d'une bière chaque mois, pour nous rémunérer tout simplement dans notre travail. C'est super simple, il suffit de créer un compte, comme vous savez maintenant bien le faire sur les sites internet, à l'adresse patreon.com/techcafé, et puis vous profiterez même en échange du podcast sans la pub. Alors merci infiniment en particulier à Géant, Pascal B, Lancelot Durand, à Ali Farouk et à Quentin Conrad. Merci beaucoup à vous qui soutenez l'émission. Et puis, on a aussi un petit clin d'œil à faire à Gilles FX, qui a répondu présent à l'appel des avis sur les plateformes de podcast, et en particulier sur Apple Podcast. Il a déposé un avis très court, mais je sais que ça va te plaire, Guillaume. Il a dit « qualité ». Alors, il a écrit « qualité » à Y, à la fin « qualité ». Donc, ça, c'est le titre de son avis. Et son avis dit « podcast joyeux et de qualité, écouté sur mon iPod dernière génération avec un casque filaire ». Bonne continuation. Écoute, magnifique. Je pense que c'est une belle synthèse finalement de ce qui est peut-être Tech Café. J'espère que vous allez continuer à apprécier l'épisode et à rester informé. En tout cas, rester informé, c'est notre objectif, puisqu'on va donc vous partager un petit peu ce qui s'est passé dans la Google I.O. Parce que donc dans le dernier épisode avec Manu de Frandroid, on avait un petit peu spéculé. On s'était livré au jeu des devinettes de ce qui pourrait arriver. Et finalement, on a eu des choses autour des produits qui sont assez cool, une montre qui avait leaké mais qui a été un petit peu plus présentée, des nouveautés autour des pixels, plus détaillées autour du 6A et un aperçu du 7 mais pas dispo tout de suite, donc c'était un petit peu bizarre de le voir présenté là, des Pixel Buds, on sent qu'il y a des concurrences autour des AirPods Pro du côté de chez Google, et on utilise même sur des tablettes et des lunettes, mais c'est pas les Google Glass, vous allez voir, c'est malgré tout bluffant. Guillaume, toi, tu as suivi un petit peu cette Google I.O. justement. Écoute, oui, on va revenir un petit peu en détail dessus. C'était du 11-12 mai dernier, il y a eu quelques surprises, donc plein de trucs pas inattendus, comme tu le dis. Des trucs qui m'ont pas particulièrement passionné, d'autres plus excitants, forcément, comme toujours. Une drôle de stratégie, c'est vrai, peut-être de la part de Google, qui semble parfois faire un petit peu des annonces sans trop réfléchir, mais bon. Effectivement, ils ont commencé avec la Pixel Watch, une montre très très ronde, en acier, voilà. Elle est belle, hein, j'aime bien, moi. Elle est pas mal, elle est toute douce, effectivement, elle a l'air sympa, il y a un petit bracelet qui s'attache comme ça, seamlessly, comme ils disent. Propriétaire, donc, après... c'est une attache complètement propriétaire. Complètement, ouais. Ça a l'air complètement propriétaire, et donc oui, après 8 ans à faire Wear OS pour des tiers, Google fait sa première montre, donc voilà, Wear OS qui a été un petit peu raffiné, voilà, tu peux demander des trucs via l'assistant, elle est équipée NFC pour payer avec le nouveau wallet, on y reviendra. Puis elle peut donner des itinéraires Google Maps, même son téléphone, gérer la partie Nest d'ailleurs aussi. Et ils ont insisté sur l'intégration avec Fitbit, qui est voilà, avec le suivi continu du rythme cardiaque et du sommeil, des performances de fitness. Bon, moi je vous coche pas que ça me passionne pas trop, les montres connectées, c'est ni les trucs Fitbit, mais bon. C'est vrai qu'on ne peut embrayer avec le Pixel 6a, donc qui n'était pas précisément une surprise, mais qui est fort attrayant quand même, puisqu'il est positionné à $449 avec un Tensor Core, avec un processeur Tensor de Google, c'est-à-dire le processeur haut de gamme, le même que dans les 6 et 6 Pro, qui coûte plus cher quand même, donc voilà, un petit peu façon Apple. Qu'on se retrouve avec un téléphone budget, voilà, comme un SE, quoi, hein, qui a une puce haut de gamme. Mais c'est assez exceptionnel dans le monde Android, quand même. Carrément. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est de voir que pour la première fois, la version A du dernier Pixel qui est sorti, donc cette version avec, on va dire, une approche financière intermédiaire, ne capitalise pas sur, justement, la photo, mais plutôt sur le processeur. J'ai l'impression que c'est un petit changement, quand même, maintenant, hein, dans les smartphones. On arrive peut-être à un plafond de verre au niveau de l'innovation des capteurs, au niveau des objectifs. Ça évolue toujours, hein, mais il y a un petit plafond. Par contre, il y a quand même un enjeu ces derniers temps, j'ai l'impression, de quand même proposer le meilleur processeur du moment. Ça, j'imagine que c'est un truc qui te plaît globalement, non ? Bah complètement, mais moi je trouve qu'il est bien d'ailleurs sous tout rapport, puisque si on regarde aussi le reste des specs, on a 6,1 pouces en 2040x1080, c'est du 60 Hz hein, en OLED quand même. On a 6Go de RAM, ce qui est suffisant pour la plupart des trucs, on a 128Go de stockage. Bon, la seule chose qui différencie les gammes sont quelques fractions de pouces en plus sur la largeur d'écran, quelques dizaines de Hz, un petit peu de RAM en plus, tu vois, finalement. Après, il y a aussi une caméra de plus pour le Pro, quand même, hein, et le 6A voit son capteur principal passer de 50 à 12 mégapixels par rapport au 6. La différence est en pratique pas forcément gigantesque, en fait, hein, ça garde des fonctions, il garde des fonctions principales, tu sais, algorithmiques, quoi, avec vision de nuit, effacement des éléments un peu magiques comme ça, puis voilà, il possède un étalonnage d'ailleurs qui est mieux adapté à toutes les couleurs de peau, hein, donc même les plus foncées, ce qui n'était pas trop le cas. Et donc le 6A, il est plus petit, c'est le plus petit des trois, mais finalement il n'est pas moins recommandable, hein, et il est même IP67, c'est-à-dire étanche à la poussière et résistant à une immersion de moins d'un mètre pendant 30 minutes, hein, pour être précis. Bon. Seul regret, mais c'est quand même un comble, le 6A n'a pas de prise jack. Je rappelle que la prise jack, elle était sur le 5A et Google avait lourdement insisté dessus en faisant même une spot télé, un spot de pub à la télé de près de 2 minutes pour bien enfoncer le clou. Et là, ben, ça a disparu. Alors pourquoi ça a disparu? Je me demande si la disparition des prises jack sur les Pixels aurait un rapport avec la sortie des écouteurs sans fil Pixel Bud. Je me demande. C'est qu'une histoire de courage, voyons, Guillaume. Enfin. Ah oui, c'est ça, ils ont eu du courage. Ils ont enfin eu du courage. Ouais, je sais pas, j'arrive toujours pas à comprendre s'il y a vraiment une plus-value technologique à ça, effectivement. J'arrive toujours pas à comprendre. J'ai du mal, moi, à penser que ça puisse pas avoir d'impact, et en même temps, je sais pas. Je me rends vraiment pas compte de la place qu'on gagne en retirant un port jack comme ça d'un smartphone. Bon, il n'y a pas des masses, mais bon, écoute, on peut toujours dire effectivement que ça permet de faire des trucs plus fins, mais en tous les cas, en attendant, Google sort des écouteurs True Wireless en face des AirPods, hein, évidemment, en deux versions, en Buds et en Buds Pro. Donc voilà, ces derniers ont une réduction de bruit active, hein, ils sont prévus pour se spatialiser d'ailleurs, donc pour intégrer le son spatial, là encore comme Apple, hein, dans une future mise à jour. La réduction de bruit serait prise en charge par une puce Seeker quand même dans l'écouteur, donc c'est assez impressionnant. Google assure qu'avec ses algos, il y a plus de vent, plus de trafic, et il pourrait même y avoir un mode transparent qui permet, en fait, tu peux écouter le monde extérieur comme si t'avais rien dans les oreilles, même si t'as quelque chose dans les oreilles. Donc c'est intéressant aussi d'ailleurs, ça peut-être même plus pratique, ils pourront se connecter à deux appareils à la fois. Donc tu peux passer par exemple deux films sur le PC, un autre appareil sur le téléphone, enfin peut-être pas sur le PC parce qu'il faut que ce soit compatible, mais bon. C'est quand même intéressant cette histoire de trucs multipoints, c'est aussi une nouveauté d'Android 13. Bon après, il coûte une couille quand même, hein, parce que 99€ pour les normaux qui n'ont pas tout ça, et 219€ pour les pros quand même, dispo le 21 juillet. Voilà, c'est quand même relativement cher. Après, évidemment, si on compare à Apple, je crois qu'il y a de la marge, mais bon. Ouais, pas tant que ça, cela dit, parce qu'en plus, les AirPods Pro, on les trouve régulièrement à ce prix-là, neufs. Il y a très très souvent des promos, enfin, c'est assez facile de les trouver à ce prix-là. Mais c'est vraiment une copie conforme, en fait, hein, au niveau des fonctionnalités, au niveau de la transparence, au niveau de l'accès à multipoints. Mais tant mieux, quelque part, c'est bien. Plus il y a de concurrence, mieux c'est, hein, et ça fait monter tout le monde vers le haut, donc tant mieux, c'est cool. Je pense que t'es pas un client hyper chaud sur ce genre d'appareil, mais... Non, pour la raison que j'ai lourdement évoquée, voilà, non, je suis pas forcément attiré par ce genre de truc, surtout que je trouve que c'est vraiment très cher pour des... Enfin bon. En tous les cas, c'était quand même intéressant à voir, évidemment, puis il y avait des annonces, alors ça c'est des annonces pour maintenant, quoi, voilà, ces trucs qui sortent incessamment sous peu, puis il y avait aussi des annonces pour plus tard, voire bizarrement pour beaucoup plus tard. Alors déjà, il y a eu le Pixel 7, qui est annoncé pour l'automne, et c'est tout. Aucun détail, voilà. Sauf qu'il va ressembler vachement au 6, en fait, avec toujours cette barre de capteur, hein, voilà, qui est désormais vraiment caractéristique au dos. Sinon, ben rien, c'est une annonce sans aucun intérêt, stratégiquement discutable, hein, puisque la star du show, ça devrait être le 6A, donc montrer le 7 si tu dis strictement rien dessus, c'est un petit peu bizarre. Mais bon, la palme de l'annonce foireuse, ça va sans doute à la Pixel tablette, oui, qui vrai. Sera disponible en 2023, mais qui a un design de 2013. Hein, clairement. T'es méchant. Esthétiquement, ça pourrait être une tablette Clipad donnée un cadeau. Après... avec un abonnement auto-hebdo, tu rigoles. Oui, mais c'est compliqué quand même d'avoir un nouveau design de tablette qui soit particulièrement moderne. Ouais, non, mais là, c'est quand même... Écoute, elle est en plastique gris. Enfin, en tout cas, elle a l'air d'être en plastique gris, arrondi, au format 16/9, avec des bons gros bords d'écran blanc, tu vois. Et d'après Google, ben, ce sera la tablette la plus puissante du monde, et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'aura pas l'air. Google donne... aperçu. Non, mais écoute, Google donne en plus aucune info, aucune montre, aucune démo, il n'y a rien qu'un aperçu de son physique, et son physique, il n'est pas très flatteur, hein, donc c'est vrai que c'est un peu zarbe. Bon, je veux bien qu'il y ait des annonces un peu à l'avance, hein, mais si c'est futuriste, tu vois, si ça fait un peu rêver, comme les nouvelles futures lunettes de réalité augmentée, voilà, ça, à la limite, c'est à la fin de la keynote, et en guise de donc One More Thing, comme on a parfois, on a eu droit à une démo d'un nouveau proto de lunettes de réalité augmentée, et c'était vraiment prometteur, hein, puisque Google a fait de gros progrès, évidemment, ces dernières années, dans la transcription de texte, qui est un peu partout maintenant, et puis dans la traduction aussi. Et là, le but, c'est de synthétiser tout ça, mais de le mettre en réalité augmentée, bah pour littéralement sous-titrer le monde, voilà. Quand vous parlez avec quelqu'un dont vous comprenez pas la langue, la traduction s'écrit sous son visage, voilà, et ça à la volée. Alors ça peut être des langues étrangères, mais ça peut être aussi la langue des signes qui peut être traduite en temps réel, ou juste bah, la transcription pour les malentendants, tout simplement. Donc, si ça marche comme ça a été montré, bah c'est un véritable usage crédible de la réalité augmentée, avec une vraie valeur ajoutée au quotidien, et qui montre voilà, la puissance incroyable des algos d'intelligence artificielle de Google, et qui, voilà, c'est vraiment quelque chose d'utile, quoi. Après, faut rester prudent. Google Trad fait quand même très souvent des fautes, hein. À quel point le système en fera suffisamment peu pour être vraiment utile ? Ça reste une question ouverte pour l'instant. C'est vrai que c'est très impressionnant quand même à la démonstration. Ça te laisse imaginer une voie du futur. Et moi, je me complais à penser comme ça qu'on n'aura plus du tout la barrière de la langue pour aucun de nos échanges. C'est très, très impressionnant. Vraiment, c'est du temps réel ou presque. Hein, on a la conversion qui se fait sous tes yeux. Au passage, d'ailleurs, j'en profite, il y a en matière d'accessibilité, la retranscription en texte de n'importe quel audio, en fait, de tout ce qui sort sur ton haut-parleur, qui a été annoncé par Apple sur leurs produits. Ils l'ont annoncé quelques jours avant les annonces officielles d'iOS 16. Quelque part, c'est intéressant de voir qu'ils font en sorte de ne pas se faire taxer, de profiter de fonctions d'accessibilité pour leurs présentations qui sont vraiment associées à du commercial. Mais bon, c'est intéressant de suivre que ça avance quand même sur ces sujets-là, hein, pour la technologie. Mais il faudra voir sur pièce et tester dans des conditions réelles, voir si ça raconte pas trop de conneries. C'est vrai que je me rappelle la retranscription automatique des voix dans YouTube sur les vidéos, elle est souvent assez discutable, y compris en anglais, hein, quand même. Mais bon. Donc ça, c'est sur les appareils, mais justement, on a fait un petit peu la transition vers tout ce qui se passe en matière d'intelligence artificielle, d'algorithmes, de services de la part de Google. Et là, ça a été assez fidèle à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Guillaume, il y a eu des côtés assez bluffants quand même. Bon oui, bah bien sûr, hein, qui dit Google dit algo incroyable, voilà, et ça n'a pas raté avec les nouvelles améliorations de Search, qui devient multi-search, donc la recherche devient multimodale. Ça, on en a déjà parlé, hein, régulièrement. Que des requêtes texte, ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. On avait parlé parce qu'en fait, il est déjà plus ou moins sorti. Donc, au lieu de prendre que des requêtes texte, elle peut utiliser des images, des requêtes vocales, tout regrouper et donner des réponses directement sur les images aussi. Bon, l'image qu'il donne, c'est faire un CTRL F, donc une recherche en CTRL F, mais dans le monde réel. Donc Multisearch, c'était déjà dispo techniquement depuis avril, dans une version un peu bridée, qui était principalement un assistant de shopping. Et là, il y a de nouveaux usages, en fait, qui s'ouvrent progressivement. Et donc, à la Google I.O., il y avait un premier cas d'usage qui illustrait ça de manière convaincante, je sais pas. En tout cas, voilà, tu es devant un rayon de barres chocolatées. Ouais, j'y crois tu pas. Tu cherches les meilleures barres au chocolat noir et sans noisettes. Alors, si tu es moi, de toute façon, tu prends toujours les mêmes barres de chocolat, donc tu te poses pas vraiment ce genre de questions, mais bon. Et puis, de toute façon, si tu prends les barres, tu peux les prendre avec tes mains et lire ce qui est marqué dessus. Hein. Je vous rassure, ça marche toujours en 2022, mais en 2022, on peut aussi utiliser Google Multisearch. Donc, tu peux prendre ton téléphone, scanner le rayon avec ton capteur photo, prononcer ta demande et laisser Google mobiliser ses milliards de teraflops pour regrouper les images prises, reconnaître les objets dedans, transcrire ta requête, la comprendre, rechercher dans son knowledge graph ce qui correspond, le faire correspondre spatialement aux objets, rechercher sur le web les notes des divers produits, synthétiser tout ça sous forme graphique et l'afficher en surimpression sur ton écran, pour ce qui est vraisemblablement la manière la plus formidablement complexe de choisir sa barre de chocolat de toute l'histoire de l'humanité. Oui, je reconnais que ça fait pas très très convaincant dans les cas d'usage. En fait, tu comprends à quel point la démonstration est puissante, si tant est que ça marche, et par contre, tu as du mal à te mettre en situation en disant « je me demande quelle barre de chocolat je vais utiliser, je vais prendre et escaler. » Et d'ailleurs, c'est probablement celle qui aura consommé le plus d'énergie jamais, d'ailleurs. Hein. C'est largement plus qu'utiliser tes bras et tes yeux pour lire les étiquettes. Donc, bon, il y a une autre fonction qui était « near me », donc à côté de moi, hein, et qui permet de faire des recherches visuelles, mais locales. Comme prendre une photo d'un plat de nouilles pour trouver un restaurant de nouilles. Ouais, donc, encore un usage parfaitement capital. Donc, techniquement, c'était très impressionnant, et on peut sans problème imaginer des situations où c'est vraiment utile, hein, pour des trucs où la composition n'est pas marquée dessus, déjà, c'est pas mal. Mais là, c'est vrai que l'aspect futile, vraiment, hein, des démos décrédibiliserait presque l'immense puissance de ces nouveaux algos. D'ailleurs, au chapitre des fonctions impressionnantes, mais d'une utilité modérée, il y avait améliorer les vidéos des visioconférences. Je veux dire, depuis 2 ans, on est habitué, non ? Je sais pas, à voir des vidéos de collègues échevelés en jogging qui sont surexposés, mal cadrés, parfois volontairement mal cadrés d'ailleurs, ou atrocement pixelisés. Est-ce que c'est si grave ? Est-ce que voir la tronche de ton vis-à-vis au mieux est totalement crucial pour la réunion ? Je suis pas sûr. Mais si, apparemment, affirme Google, hein, qui va vous prendre. Google va vous permettre déjà de laisser votre PC beaucoup trop près de la fenêtre en lâchant ses super algos pour retoucher la photo et s'occuper de l'exposition désastreuse de ta vidéo en ayant des sources de lumière virtuelles. Et surtout, tu pourras continuer à participer à tes réunions depuis ta salle de bain, grâce à l'anti-réverbération. Bon, voilà, c'est marrant, mais bon. Plus sérieux, mais plus pratique quand même, de mon point de vue. Google annonce aussi qu'il pourra tout seul créer des transcriptions des meetings. Et même des résumés pour condenser les infos utiles sur, voilà, sur, ça sera sur Google Space. C'est vrai que t'as raison de souligner ça. C'est marrant de voir à quel point la démonstration technologique, elle est convaincante, elle est bluffante, mais elle n'est pas convaincante. Et pourtant, quand tu te creuses la tête, je ne saurais pas quel autre cas d'usage du quotidien me semblerait être approprié pour démontrer la puissance de ces services-là, finalement. Ou en tout cas, pas des cas d'usage suffisamment fréquents pour que tu te dises « Waouh, il me faut ça entre les mains. » Et je ne sais pas si tu as d'autres exemples comme ça, de cas d'usage qui pourraient être pertinents, qui permettraient de justifier pour un tel usage. Oui, pour le multisearch. Bah, pour multisearch, je ne sais pas, tu pourrais déjà imaginer des trucs que tu connais pas et dont tu connais pas le nom, et des choses, par exemple, des trucs naturels. Je ne sais pas, tu es en forêt, tu vois des champignons, et voilà, tu te demandes s'ils sont comestibles ou si telle ça plante... Ça existe pas déjà, ça? Bah si, probablement en fait, mais c'est typiquement un cas d'usage, tu vois, ou alors tu te dis, voilà, tu regardes, t'es dans la nature, tu regardes des plantes, tu te dis, est-ce que c'est nocif pour les chiens, par exemple, parce que je sais pas, t'as un chien qui veut bouffer des trucs, tu pointes ton téléphone, tu dis, est-ce que c'est nocif pour un chien, le truc comprend ta requête, il lit, il regarde, est-ce que c'est nocif pour les chiens, etc. Parce que déjà, au minimum, tu vois, les baies rouges bizarres là qu'il y a sur l'arbre, ben c'est pas marqué dessus ce que c'est, quoi, tu vois, donc déjà, il y a un côté vraiment, tu sais pas mettre un nom sur ce que tu vois, tu sais pas ce que c'est, et tu sais pas donc si forcément comment le chercher pour savoir si c'est dangereux pour ton clébard. Donc, effectivement, comme tu dis, voilà, pour moi, c'est un cas d'usage qui serait plus convaincant, mais enfin, c'est vrai que c'est pas tous les jours non plus, tu vois. C'est peut-être aussi un cas d'usage qu'on pourrait imaginer qui est plus convaincant, mais moins rassurant, c'est celui du pharmacien, par exemple, tu vois, où tu as une situation de santé qui est un peu particulière, où lui essaye de trouver le médicament qui va bien par rapport à ce qui a été prescrit et qui va bien à ta situation, s'il peut scanner les boîtes, mais pour les pros, ça pourrait être cool, mais pas pour le grand public. Parce que pour les pros, ça pourrait faire gagner du temps, ça, pour et le coup, temps, oui. c'est-à-dire que pour les pros qui, effectivement, doivent faire les trucs plus rapidement. Effectivement, si t'as des assistances comme ça visuelles, ça peut être intéressant. Ouais. T'imagines le pharmacien qui te dit oui, attendez, bougez pas, je vais scanner ça avec l'appli Google et je vais vous dire quel médicament est approprié. Je serais vraiment pas rassuré, moi, dans mon cas, mais bon. Et puis il y a probablement ton produit fétiche, celui que tu utilises le plus, Guillaume, qui va évoluer, le Nest Hub Max, hein, cet écran qui permet d'avoir une interaction avec les services de Google. Effectivement, avec ta voix. Non mais bon, c'est vrai que petite amélioration pratique pour ceux qui utilisent le Nest Hub Max, donc cette fameuse tablette / enceinte connectée va devenir attentif, donc visuellement... Enfin, alors, visuellement, vous scannez attentif, tout le temps. Voilà, c'est un peu ça. Parce que, donc, normalement, pour t'adresser à Monsieur Google, tu fais OK Google. Voilà, et c'est peu naturel. Désormais, il y aura donc ce qu'ils appellent le Look and Talk. Et donc, comme son nom l'indique, si vous vous adressiez directement à votre Nest Hub les yeux dans les yeux, enfin les yeux dans la cam, dans la caméra, il saura que vous le regardez et il te répondra sans que tu aies besoin de dire OK Google. Donc voilà, plusieurs facteurs seront pris en compte, d'ailleurs l'orientation de la tête, du regard. Donc normalement, le truc devrait comprendre si tu t'adresses à lui ou à quelqu'un qui est à côté ou au chien qui passe, je sais pas. Ou si tu râles tout seul en cherchant tes clés, je sais pas. En tout cas, il saura aussi reconnaître à la fois le visage et la voix pour déterminer qui s'adresse à lui. Donc tout ça se fera en local parce que, ben oui, évidemment, hein, il faudra que la caméra regarde en permanence. Hein. Mmh. Pour que toutes ces fonctions soient possibles, il faut qu'il y ait scanning en permanence. Donc le micro, il est ouvert en permanence pour capter les OK Google. Ben là, pour le look and talk, ben forcément, ben, il faudra que la caméra soit elle aussi ouverte en permanence pour savoir si tu le regardes ou pas. Bon, encore un truc que peut-être progressivement, les gens finiront par accepter. Ouais, bah c'est un des éléments qui y aidera de toute façon. Je sais pas si ce sera un game changer, comme on dit, mais bon. Google Maps aussi, hein, fer de lance de Google, ils savent faire la cartographie. Hein, on va pas leur reprocher la cartographie qui va maintenant devenir immersive. Écoute, parfois c'est à se demander est-ce qu'on préférerait jouer à SimCity ou utiliser Google Maps, Guillaume. Bon, moi, c'est un des trucs qui m'a fait le plus envie, hein, c'est la nouvelle vue immersive de Google Maps. Alors pour résumer, c'est Google Earth, mais avec des shaders, quoi. C'est-à-dire, c'est donc déjà avec Google Earth, vous avez une vue qui peut être assez impressionnante avec tous les reliefs, les bâtiments en 3D, tout ça. Mais tout ça, donc tu prends cette vue avec voilà, relief en 3D, tout ça, tout beau, et tu rajoutes tous les effets qu'on trouve dans les jeux vidéo, comme Flight Simulator 2020, quoi, hein, des ombres, des nuages volumétriques, de l'eau avec des reflets, et même des oiseaux, du trafic routier, donc voilà, un rendu magnifique, il manque plus quasi que les odeurs. Photoréaliste. Exactement, et en tout cas tu peux survoler la ville voilà, dans laquelle tu peux même plonger parce que la démo montre une transition intérieure-extérieure complètement folle, c'est-à-dire tu voles dans une rue, tu rentres dans un resto je crois, et dans ce resto tu tournes autour des tables et tu ressors, enfin, c'est absolument incroyable, c'est assez magique. Bon, j'ai hâte d'avoir ça sur PC aussi bien que sur téléphone hein, pour avoir encore moins de raisons de voyager parce que j'ai vraiment plus l'intérêt. Alors pour le moment, la fonction n'est prévue que pour peu de villes, évidemment, donc Los Angeles, Londres, New York, San Francisco et Tokyo un petit peu plus tard. Puis au fur et à mesure, petit à petit, il y a d'autres villes qui y arriveront, j'imagine. Tu dois aimer, toi, GeoGuessr, non ? Tu connais ou... Non, non. C'est quoi ? GeoGuessr, c'est un jeu en ligne, c'est vraiment malin. C'est un jeu en ligne, bon, je crois qu'il existe aussi en app, mais où en gros tu te fais téléporter dans un endroit au hasard dans le monde sur Google Street View, donc vraiment ouais. Comme si tu y étais, et tu dois deviner où tu es. Et c'est génial parce que tu as les analyses autour de toi des couleurs, des marquages de la route, des paysages, des écriteaux sur les panneaux, tu peux te déplacer un peu aussi. Et puis tu as même les experts qui savent reconnaître la manière dont était pris la photo avec, tu sais, la caméra Google au-dessus de la voiture. Donc, s'ils voient que la caméra est positionnée d'un côté, de l'autre, si elle est rouge, bleue, etc., ils savent à peu près plus. S'il y a marqué Narbonne 28 voilà, km. Voilà, c'est ça. Ils savent qu'ils sont pas loin de Narbonne. Effectivement. Non, c'est génial. Il y a des compétitions de ça. C'est... Bon, bref. Des nouvelles langues sur Google Traduction, Guillaume, aussi. Oui, bah, y avait encore plein de trucs. Donc, il y a d'autres langues sur Google Traduction qui arrivent. Il y a eu... Donc, il y a le My Ad Center aussi. C'est intéressant pour avoir plus de contrôle sur les pubs que tu vois sur le téléphone. Donc, tu peux choisir d'avoir plus de pubs de l'un, moins de pubs de l'autre. Bon, bah, tu verras toujours des pubs, hein, faut pas rêver. Mais bon, voilà, tu peux personnaliser ton expérience publicitaire, ce qui est assez plutôt rigolo, finalement. Ils ont mentionné le service aussi pour virer les résultats de recherche qui divulgueraient les infos personnelles, qui viendraient accessibles directement dans l'application Google. Ils ont parlé d'Android 13, donc, avec sa fonctionnalité multipoint, là, multipoint Bluetooth, dont j'ai un petit peu parlé, qui sera donc pas exclusive aux Pixel Buds, d'ailleurs. Hein. Il y a Sony et JBL qui feront aussi des casques compatibles. Il y a son système de thème, de couleurs dynamiques aussi, qui a été montré. D'Android 13, il y a de nouvelles options de vie privée et de sécurité. Il y aura la version de tablette aussi. Parce que effectivement, puisque voilà, ça y est, Google revient sur la tablette, donc Android 13 sera optimisé tablette, et aussi plus de 20 apps qui seront mises à jour pour prendre en charge les grands écrans. Donc il y a une démo de multitâche en écran partagé, voilà, une barre de raccourci persistante. Grosso modo, des choses qu'on peut déjà voir dans certaines distributions de fabricants de tablettes hein, depuis longtemps, mais qui désormais vont être intégrées à l'OS. Et puis voilà, il y a eu Wallet aussi, le nouveau Google Pay quelque part. Nouveau nom, mais nouveau. Disons, c'est Wallet plus qu'un Google Pay, hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, mais il est beaucoup étendu en réalité. C'est qu'il ne se limite plus aux cartes de paiement. Il y a aussi les cartes d'identité, les cartes de fidélité, les passes sanitaires, les permis de conduire. Il y a absolument n'importe quoi qui pourrait devenir accessible directement à MFC. Pourquoi pas ? Si tu es en carte EOPS. Et voilà, par exemple. Ou NUP, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va y avoir une carte de ça. Je sais pas, en tout cas, l'objectif de Google, c'est voilà, effectivement que toutes tes cartes soient concentrées. Ils travaillent avec plein d'États américains et de gouvernements pour dématérialiser le plus de trucs possible. Et puis, il y a eu l'annonce de Matter aussi. Voilà, on peut finir là-dessus. L'annonce de Matter. Donc, Matter, c'est le standard domotique de Google qui arrivera finalement cet automne. Alors, pas que de Google, hein, si je dis pas de bêtises. C'est un consortium sur lequel il y a plusieurs acteurs, mais d'ailleurs, dont Apple, hein, qui participe, non? Ouais, je crois que c'était bêtise. Oh là là, je vais faire ta petite commande. Si, si, il me semble qu'il n'y a pas que Google en tout cas. En tous les cas, j'ai pas regardé énormément. J'ai vu que c'était un truc qui est quand même. Enfin, on avait commencé à en parler en 2019 de ce genre de truc. Ça a été reporté deux fois. C'est un protocole qui veut simplifier l'appairage en tout cas avec des équipements domotiques. Un peu comme le FastPair avec les écouteurs Bluetooth, mais pour une prise connectée par exemple. C'est un truc qui fonctionnerait. Alors, c'est ouvert par contre, t'as raison pour le coup, hein, c'est complètement ouvert. Ça fonctionnera avec Alexa aussi. Si bien que Google ou Siri, ça fonctionnera aussi avec plusieurs connexions, quoi, c'est-à-dire le Bluetooth LE ou d'autres trucs. Et voilà, bon, c'est un truc que les amateurs de domotique attendent apparemment avec impatience et qui arrivera bientôt, a priori. Donc peut-être vous reparlerez dans le podcast dédié. Il y a beaucoup de marques, hein, qui se sont mises derrière Matter. Il y a vraiment plein de concurrents qui œuvrent de concert. Donc à croire qu'il y a vraiment beaucoup à y gagner, notamment les Somfy, les Signify, hein, vous savez, les Philips Hue. Il y a Apple, Amazon, Google, Huawei. Bref, ils sont tous copains, même Ikea, Le Grand, etc. Ils sont tous copains derrière Matter. On a hâte de voir comment ça va simplifier les choses au quotidien. Un dernier mot peut-être au sujet de Google, parce qu'on a relayé le bannissement de plusieurs applications par Apple sur l'App Store. Et bon, juste on a vu l'info passer, hein, qui indiquerait, c'est pas une info d'ailleurs, mais je donne ça au conditionnel, ça pourrait arriver en tout cas, d'un bannissement de 25% des applications sur le Google Play Store pour les mêmes raisons que sur l'App Store. Quelque chose d'assez critiquable, hein, mais en gros un manque d'actualisation de l'application qui n'utiliserait pas les derniers API Google, donc elle pourrait être retirée. 25%, c'est énorme, hein, encore une fois, sur un store comme moi, tu sais que je crois que j'avais même vu le tiers en fait, quasiment le tiers, c'est monstrueux. C'est vraiment, bon, ça concerne énormément de trucs. Enfin, en tout cas, s'ils virent toutes les. Je crois que les applis qui sont concernées sur les critères, c'est pas loin du tiers. Et bon, peut-être qu'ils vont toutes les virer, peut-être pas, ça, je sais pas. On verra, on vous le dira si ça arrive. On met de côté nos geekeries autour de Google. On avait de quoi parler, de quoi relayer. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Et puis, s'il y a des choses qui vous ont intéressé plus que d'autres, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires sur techcafé.fr. Mais en attendant, on va se poser un petit peu. On va parler argent, tout simplement. Alors, non pas pour vous inciter à venir nous soutenir sur Patreon. Ça, je pense qu'on vous l'a déjà suffisamment répété en intro et dans tous les épisodes. Mais bon, ça coûte rien de le rappeler. C'est le cas de le dire. On pourrait parler d'argent sous tous les aspects possibles. Mais en ce moment, c'est particulièrement chaud, ça bouge et pas forcément vers le haut, Guillaume. Ben ouais, cet ascenseur de la bourse qui monte, mais surtout qui descend, n'est-ce pas, bien sûr. Donc voilà, depuis une semaine, on peut se demander si on n'est pas à un autre moment Lehman Brothers, tu sais, comme pendant la crise de 2008, ou si justement, voilà, 2022 ne marque pas la fin d'une ère qui a commencé justement avec cette crise des subprimes il y a déjà 14 ans quand même. Parce que globalement, le CAC 40, le S&P 500 et le Nasdaq sont tous fortement baissés, hein, par rapport à leur plus haut d'il y a 2 ou 3 mois. Et le Nasdaq en particulier est même en dessous des cours qu'il y avait il y a un an, avec une baisse de l'ordre de 30%. Et le Nasdaq, bah, l'indice Nasdaq 100 pour être précis, c'est celui qui nous intéresserait le plus, puisque 57% des boîtes qui l'indexent sont des boîtes tech. Donc sa dégringolade reflète celle des actions de noms qu'on connaît bien quand même, hein. Moins 35% pour Amazon, moins 40% pour Meta, moins 20% pour Alphabet. C'est encore bien pire pour Netflix d'ailleurs, moins 70% depuis le début de l'année, comme Coinbase d'ailleurs. On reviendra plus tard sur les cryptos d'ailleurs, où il y a un véritable tsunami, mais bon, collectivement... Apple moins 20 aussi, enfin c'est général. Ah bah oui, c'est collectivement de toute façon, Apple, Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon et compagnie ont perdu 1000 milliards de dollars en termes de capitalisation boursière. Alors ça ne veut pas dire que ces boîtes vont mal, pas du tout. Hein. Cette spirale baissière, comme dirait Michel Gaillard, comme disait spécialiste, est provoquée par la vente de titres d'investisseurs qui estiment que les perspectives de croissance ne sont pas aussi bonnes qu'attendues, que les bénéfices futurs ne seront pas aussi élevés qu'espérés, en particulier par rapport à des placements qui, eux, sont moins risqués ou sans aucun risque. En fait, ça veut juste dire que ces boîtes étaient trop valorisées. Avec la pandémie, il y a des valeurs qui ont explosé, comme Zoom ou Netflix. Ils en ont vraiment beaucoup profité, mais ça, c'est terminé, quoi. Donc la chute est quand même douloureuse, hein, puisque si vous avez acheté en début d'année, moins 70% sur Netflix, ça fait très très mal. Ça, j'imagine que ça doit faire très mal à certains, j'en suis désolé, mais bon. Si on regarde aussi les jeunes rentrées, c'est-à-dire les récentes introductions en bourse de l'année dernière, d'après CNBC, sur 52 IPO tech, il y en a 3 seulement qui se négocient au-dessus de leur prix d'introduction. Donc, il n'y en a que trois qui ont pris, en fait, dans le cours à augmenter. Et Rivian, par exemple, qui est producteur de voitures électriques, hein, qui a un temps été supposé comme être un futur Tesla, a perdu 78%. Lucid Motors, un autre, a perdu 60% depuis le début de l'année. D'ailleurs, Tesla, au passage, a perdu 30% sur la même période. Et Robinhood, dont on avait parlé dans un précédent épisode, c'est 50%. Bon, voilà, vous voyez l'idée. Aujourd'hui, il n'y a plus de confinement, la situation géopolitique est inquiétante, elle est instable. L'inflation est à son plus haut depuis très longtemps, puisque c'est 8,5% en avril et c'est encore plus qu'en mars. Donc les taux d'intérêt remontent en flèche et la récession mondiale se précise à l'horizon. Donc voilà, l'euro dégringole face au dollar. L'Europe a se débat avec une crise énergétique. Et même en Chine, qui est d'ailleurs en pleine crise sanitaire, c'est le bordel, puisque le quatrième plus gros promoteur immobilier du pays vient de faire faillite, et ce, moins de 6 mois après Evergrande. Et quand on sait que le bâtiment, c'est un quart du PIB de la Chine. Donc c'est la gueule de bois, voilà. La tempête a même emporté avec elle celle des hedge funds, des hedge funds comme par exemple Tiger Global, hein, qui perd 52%. Et donc, c'est peut-être effectivement la fin d'une époque. C'est la fin d'une époque et puis probablement qu'il va falloir aborder les choses d'une autre manière. Bon, quelque part, il y avait effectivement, comme tu le disais, une surévaluation, ou en tout cas peut-être une trop grande attente. Tôt ou tard, il fallait se rendre compte aussi que ça ne pourrait pas toujours être dans une progression incroyable, mais c'est intéressant de le mettre en parallèle avec le fait que les entreprises aient une grande santé. Pour autant, ça va nous amener probablement à voir les choses différemment et tu vas revenir un petit peu sur finalement un peu le concept de l'argent gratuit, hein, celui qui a servi à faire gonfler certaines entreprises, certaines startups, alors qu'elles n'avaient vraiment pas affiché leur rentabilité, ça pouvait arriver plusieurs années après, parfois ça n'arrivait peut-être même pas du tout. Ça, il va falloir peut-être changer nos habitudes, Guillaume. Écoute, c'est toujours difficile dans une crise de dire ce qui est spécifique à la crise et ce qui va se représenter des tendances durables, mais on peut se risquer à pronostiquer un changement quand même assez profond et la fin d'une époque qui, effectivement, d'une époque qui date de 2008, quoi, qui a commencé en 2008, et c'est illustré sans doute par la lettre du CEO d'Uber à ses employés. Alors lui, qu'est-ce qu'il écrit ? Il écrit que le marché est en train de subir un tremblement de terre et que les objectifs ont radicalement changé. La priorité est désormais de générer de l'argent, le marché a beau être immense, même si c'est un marché immense, ça n'a pas d'importance si tu ne peux pas en tirer des profits. Alors ça paraît assez intuitif, mais c'est quand même à l'opposé de ce que fait Uber depuis 13 ans. Uber a cherché une croissance exponentielle sans jamais faire aucun bénéfice, en tout cas sans avoir fait de bénéfice pendant une bonne dizaine d'années, quoi. Il était même valorisé 76 milliards de dollars à une époque sans jamais avoir été dans le vert, pas un seul trimestre. Donc, que le PDG d'Uber fasse des bénéfices une priorité, c'est un petit peu comme Blizzard qui insiste pour sortir des nouveaux jeux tous les ans, ou, je sais pas, Eric Zemmour qui devient féministe, là, ça remet en question toute ta perception de la réalité, tu vois. Donc, en fait, depuis 2008, pour éponger la crise, il y a eu une politique de taux d'intérêt très bas. Le taux directeur de la Fed était de 4,75% en 2007, il a chuté à 0 en fin 2008, et puis à 0,25%, puis il a un petit peu remonté jusqu'en 2009 où il a rebaissé, et en mars dernier il était encore à 0,5%. Donc, ça veut dire que la Fed, en l'occurrence, qui est la banque des banques, hein, les banques des banques américaines, va prêter de l'argent aux autres banques à ce taux. C'est parce qu'on parle là du taux de refinancement. Alors, il y a aussi le taux de dépôt avec lequel elle va rémunérer les dépôts que lui font les banques commerciales. Donc le taux de refinancement, en gros, c'est le taux d'intérêt en début de chaîne, tout simplement, le taux d'intérêt des emprunts en début de chaîne. Et ça, c'est un phénomène global, il n'y a pas que la Fed, hein, la BCE a toujours un taux de 0% actuellement, et même un taux de dépôt à moins 0,5%. C'est-à-dire que si une banque dépose de l'argent à la BCE, ça lui coûte du fric. Alors inutile de te dire qu'elle ne va pas le faire, ils ne sont pas encouragés du tout à le faire, et donc elle va prêter d'autant plus facilement, la banque. Donc la BCE a prévu de remonter ses taux cet été. Parce que bon, en gros, avec un loyer de l'argent très très faible comme ça, c'est très logique de voir des investissements tout azimut, et de voir fleurir aussi le capital risque, façon Tiger Global, qui a financé par exemple la croissance explosive d'Uber. Donc, si on rajoute les énormes fonds d'investissement, comme le fonds saoudien par exemple, ou le Vision Fund de SoftBank, de Masayo Ichison, dont on a parlé plusieurs fois, et qui d'ailleurs a perdu 27 milliards de dollars cette année. Hein. C'est vrai que ça lui fait mal, effectivement. Investissement hasardeux, c'est le scandale WeWork, entre autres. Hein, s'ils veulent aussi revendre Arm parce qu'il n'a pas les performances attendues, etc. Donc, en fait, entre ces fonds d'investissement et l'emprunt qui est très très facile, on se retrouve avec des masses de cash monumentales disponible pour parier, en fait, hein, ni plus ni moins, sur un petit peu tout. Et des fois que ça rapporte, voilà, qu'une des boîtes rapporte un gigapactole, ou qu'une des blockchains décolle, qu'un des tokens décolle, mais parce que ça nourrit aussi ça. Hein. Sauf que tout ça, c'est probablement fini, puisque l'inflation, elle est à plus de 8%, ça fait longtemps que c'était pas arrivé, et pour contrer la hausse des prix, la Fed rend l'argent plus cher à emprunter. donc le taux est passé à 1%. Il va bien, il va certainement monter encore cet été ou après cet été, et donc l'argent est plus cher, et donc on rigole plus. Et oui, on sort du mot YOLO, on se décide à regarder les livres de compte en fait. Et quand on regarde un peu plus près, ben, Apple et Microsoft, c'est pas la même chose qu'Uber, ou que Netflix, ou que Peloton, ou que Zoom. Donc désormais, on va beaucoup plus rechercher la rentabilité, ou les perspectives de rentabilité à plus court terme. C'est quand même un gros changement. Pas nécessairement un mauvais changement, hein, d'ailleurs. Hein. Mais ça va faire mal à pas mal de compagnies qui sont jeunes, voire moins jeunes, puisque la remontée des taux d'intérêt, ça va peut-être clore une parenthèse financière historique. Hein. C'est une claque, mais c'est une correction aussi qui va peut-être amener une dynamique d'investissement plus durable, moins spéculative. Qu'est-ce que je suis optimiste, hein. C'est incroyable cet optimisme que j'ai. Vous inquiétez pas, ça va pas durer très longtemps. Il y a le coût de l'argent. Je me demandais aussi dans quelle mesure est-ce que finalement il n'y avait pas aussi une désillusion sur l'opportunité que peut représenter l'innovation tech aujourd'hui. Il y a eu des choses qui ont beaucoup marqué. Tu vois, il y a eu des services en ligne qui ont pu changer des pans entiers de l'économie. Tu as eu des appareils aussi qui ont pu bouleverser la donne. Tu as la connexion en ligne qui a pu aussi changer profondément la manière dont on consomme, dont on vit au quotidien. Est-ce que finalement, ici, il n'y a pas une forme de désintérêt sur de l'innovation qui a finalement beaucoup moins de portée, beaucoup moins d'impact sur notre vie au quotidien? Est-ce que c'est mon regard de vieux con, Guillaume, ou est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi de manque d'impact en matière d'innovation sur le quotidien de monsieur et madame Michu? Alors, franchement, j'ai pas l'impression. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'effectivement, il y avait une survalorisation. Bah, parce que, évidemment, un crack des valeurs technologiques, ça rappelle inévitablement 2000. Et en 2000, il y avait quand même une survalorisation énorme, et encore beaucoup plus qu'aujourd'hui, je pense, sur les valeurs tech, qui ont déçu d'un point de vue de la rentabilité. Enfin, il y avait une bulle qui vraiment ça a craqué pour ça. Et là, en fait, bon, bah oui, probablement les valeurs tech sont surévaluées, c'est tout à fait possible, mais. Quand même, il y a des choses qui restent. Enfin, je veux dire, il y a des entreprises comme Apple, je veux dire, ça va rester. Ouais, okay. Tu vois, il y a pas de... Ça fonctionne. Mais quelles innovations, quels nouveaux... ça fait un petit moment que c'est récurrent dans tes cafés, dans ce qu'on relaie. Quels nouveaux appareils, nouveaux produits, nouveaux services, tu pourrais me citer ces dernières années qui auraient été source de bouleversement, comme l'a été, je donne aucune marque, mais le smartphone. Tu sais, on a toujours en tête cette image de l'annonce du pape à une époque avant le smartphone où les gens prennent la photo avec un appareil photo, voire même juste regarde, quoi. Et on voit l'annonce du pape suivant où tu vois à Rome les gens qui prennent la photo avec leur smartphone, leur tablette. Tu vois tous les écrans qui sont portés vers cette annonce. Ça, c'est des signes marquants de l'innovation de la technologie il y a quelques temps. Est-ce qu'on est capable d'en citer des récents? Je troll, hein, probablement. Et encore une fois, il y a mon côté vieux con qui parle, mais je commence à me dire encore une fois que l'innovation n'a plus la même portée qu'elle n'avait il y a encore quoi, 15-20 ans? C'est compliqué parce que quand tu dis le début des smartphones, c'était aussi avant les plateformes. Par exemple, tu as eu les smartphones, puis après tu as eu les services en ligne mobiles qui ont explosé, qui ont été quand même un facteur d'innovation, en tout cas, qui ont ouvert de nouveaux marchés, qui ont quand même eu économiquement, qui ont eu des répercussions incroyables. Donc, même si les appareils ont évolué, évidemment, beaucoup, et qu'ils continuent d'évoluer, mais qu'il y a, bon, effectivement, une sorte d'asymptote, enfin, en tout cas, bon, ça évolue moins vite, on va dire, de manière moins spectaculaire, il y a quand même des choses qui se passent, et il y a beaucoup de trucs nouveaux, quand même, au niveau logiciel, au niveau des plateformes, au niveau des services, au niveau des algorithmes qui sont derrière ces services. Je pense qu'il y a quand même eu beaucoup d'innovation, et à mon avis, non, il y a beaucoup d'innovation, même si elle est beaucoup plus logicielle. Et au niveau matériel, elle existe aussi, mais il n'y a pas de rupture dans le sens où il n'y a pas encore de rupture dans le sens où il n'y a pas quelque chose qui remplace le smartphone de manière totalement visible. Par contre, il y a énormément d'innovations technologiques au niveau des puces qui continuent d'évoluer, qui continuent de se développer. Au niveau des algorithmes, bon, il y a quand même, la révolution du machine learning qui a explosé littéralement ces 10 dernières années et qui a déjà des applications qui sont tout à fait visibles et quotidiennes, et dont on peut parier qu'il y en aura encore 10 fois plus dans 10 ans, et encore 10 fois plus 10 ans plus tard. Je pense vraiment que non, il y a toujours cette dynamique-là. Puis bon, quoi qu'on en pense, le Web3, ce qu'on appelle le Web3, en tout cas, les technologies blockchain, c'est aussi des nouveautés. C'est des trucs qui sont, dont les usages sont discutables, ce que vous voulez, mais enfin, c'est quand même des nouveautés, c'est quand même des innovations, c'est quand même des trucs qui, même si c'est peut-être un peu décevant pour le moment, en tout cas, les usages et la valeur ajoutée que ça apporte par rapport à avant, c'est quand même des vraies innovations. Donc, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait moins d'innovations. C'est pas ce que j'ai dit. Je pense que je m'exprime mal, hein, encore une fois, et on va pas faire les attentes. Non, je pense qu'en fait, voilà, je pense qu'il y a, des attentes qui sont très élevées et très élevées sur le court terme, peut-être. Et en fait, je pense juste qu'on redistribue ces billes parce que, voilà, les bénéfices à court terme, ça va commencer à devenir plus difficile. Peut-être qu'on va rentrer dans une économie où il y aura plus de rareté et moins d'abondance. Et il faut en tenir compte, quoi. Je pense qu'il y a surtout ça. Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes et on sera même des mini débats. On prendra le temps de préparer le sujet. Mon point, c'était vraiment de dire, il n'y a pas eu d'innovation technologique qui bouleversait le quotidien dans les usages des gens. En fait, en gros, quand je vois des personnes très jeunes aujourd'hui qui sortent leur smartphone, j'ai l'impression que c'était le premier smartphone quand il est arrivé, ou en tout cas les premiers smartphones avec les premières apps. Finalement, il n'y a pas beaucoup de changements finalement l'un dans l'autre. Mais je pense que c'est des grands. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, si tu veux une rupture comme celle du smartphone, effectivement, c'est quelque chose qui pas encore réarrivé. Mais peut-être que ça réarrivera avec des lunettes, avec d'autres trucs. Mais c'est ça qui est fort, c'est je pense que tout le monde l'attend. On se dit, est-ce que ce sera réalité augmentée, réalité virtuelle, enfin, en tout cas pas pour l'instant, mais ça viendra peut-être. Bah, la VR aussi d'ailleurs, la VR c'est quelque chose qui il y a 10 ans, c'était plus un rêve qu'autre chose. Maintenant c'est courant, enfin je veux dire, un casque de réalité virtuelle, il n'y a rien de plus banal qu'un casque de réalité virtuelle aujourd'hui. C'est vrai, quand tu dis comme ça, c'est quand même. Écoute, on en parlera dans le métavers, Guillaume, donc on attendra encore un petit peu de voir passer du temps. En attendant, effectivement, hein, c'est une des conséquences directes de cette situation, c'est qu'on a les premiers dans le monde de la tech qui se font doubler par des géants de l'énergie, Guillaume. Ben oui, parce qu'on a beaucoup parlé des valeurs qui baissent, mais il y a aussi celles qui montent, parce qu'il y en a qui se portent bien et même très bien, et à votre avis, c'est lesquelles ? On est dans une crise de l'énergie, donc les producteurs d'énergie, ça roule, et les producteurs pétroliers aussi, d'ailleurs. Donc Aramco, le géant saoudien du pétrole, devient la boîte la plus valorisée du monde à 2430 milliards de dollars de capitalisation, qui a dépassé même Apple au passage. Alors bon, c'était la semaine dernière, ça se trouve ça a encore rechangé, mais bon, c'est quand même un signe des temps. Les prix du baril montent, Aramco prend 22% depuis le début de l'année, ça c'est son action, et de manière générale, le secteur pétrolier nage littéralement dans le cash. Depuis 30 ans, les principaux acteurs comme Exxon, Shell, BP et Chevron ont amassé 2000 milliards de dollars de bénéfices. Et avec la récente hausse des prix, c'est comme s'ils avaient gagné 100 fois de suite à l'euro million par-dessus le marché. BP, c'est une planche à billets, et c'est son boss lui-même qui le dit, c'est pas moi. Hein. Et quand on a autant de pognon, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on investit en masse pour faire encore beaucoup plus de pognon. Et donc, les 12 plus grosses compagnies pétrolières vont dépenser collectivement plus de 100 millions de dollars par jour pour exploiter de nouveaux gisements sur 195 installations énormes, qui pour certaines d'ailleurs sont déjà, enfin, commencent à entrer en exploitation, des installations qui seront aux États-Unis, au Canada, en Australie, et aussi, ou bien sûr, au Moyen-Orient et en Russie, hein, comme d'habitude. Pognon pharaonique pour projets pharaoniques. Et ces trucs-là, évidemment, ça va donner aussi des émissions de carbone tout aussi pharaoniques. 646 milliards de tonnes de CO2 estimées. Et ne parlons pas du fait qu'un bon tiers de ces extractions concernaient des gisements non conventionnels. Bon, voilà, je ne parle pas de la pollution autour, etc. Bon, petit problème que je rappelle comme ça au passage, on est quand même censé calmer le jeu avec les hydrocarbures pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement sous peine de voir notre planète partir globalement en couille et notre climat nous faire un gros doigt d'honneur. Et pour ça, devinez quoi ? Pour ça, il ne faut aucun nouveau projet de forage. Il faut laisser dans le sol 90% du charbon qui y est et 60% du pétrole. Mais manifestement, tout le monde s'en bat la race. 646 milliards de tonnes, c'est la totalité du budget carbone qu'il nous reste si on veut limiter la casse. Donc c'est mort, parce que la guerre en Ukraine, ça représente un jackpot pour l'industrie pétrolière, qui de toute façon n'a jamais réellement changé ses plans d'aucune manière. C'est pas maintenant que ça va changer, malgré ce qu'ils pourront dire. D'ailleurs, comme le dit Antonio Guterres, pour le dire simplement, il ment. Et les conséquences seront catastrophiques. Il s'agit d'une folie morale et économique. Surtout que bon, les politiques sont quand même d'une remarquable constance dans la mollesse depuis 20 ans, donc on est niqué, soyons clairs. Si on reste sous les 3 degrés, on aura de la chance. Mais c'est pas grave, hein, chez BP, ils pourront prendre des bains de pièces d'or. L'or noir n'aura jamais aussi bien porté son nom, et on va tous finir comme le roi Midas. Et oui, asphyxié par les pots d'échappement et noyé sous les vieux pneus. Ouais, bon, on va pas revenir sur ce sujet, on refaire l'analyse, mais effectivement, la responsabilité est bien trop diluée dans cette histoire pour qu'il y en ait un qui veuille réagir de toute façon. Je pense qu'on est tous droit dans le mur. On va revenir du coup à des choses. Allez, je suis désolé. Plus enthousiasmante, va savoir. Je suis pas sûr. Non, mais c'est bon. Après, c'est pas des choses nouvelles. De toute façon, ce sont des symptômes de plus qui sont dans la droite continuité de ce qu'on décrit déjà depuis un moment. Et, évidemment, on n'est pas les seuls, loin de là. On va parler un peu crypto-monnaie, forcément. Hein. On aime bien parler crypto-monnaie avec parfois un peu de sarcasme, d'enthousiasme. Allez savoir, qu'est-ce qui se passe cette semaine, Guillaume, dans l'actu de la crypto-monnaie? Bah, de toute façon, c'est le deuxième volet marquant de toute cette crise financière, hein, c'est les cryptos évidemment. Alors, quand j'ai regardé lundi, le Bitcoin était à 28 681 euros, soit 23% plus bas qu'il y a un mois, et à peu près à la moitié de ce qu'il valait il y a 6 mois. Donc, globalement, il a effacé la... Oui, il a un petit peu rebondi, oui, enfin, il a été un petit peu plus bas effectivement, mais enfin, il a quand même globalement effacé la totalité des gains de la dernière année. Mmh. Et les autres cryptos suivent de près d'ailleurs. Ethereum perdait 60% par rapport à novembre dernier. Le XRP 79% depuis son plus haut. La valeur du Dogecoin a été divisée par 4 en un an. Pour le Litecoin, c'est pire encore hein, depuis son plus haut de novembre. Et même les Smooth Love Potions d'Axie Infinity ne valent littéralement plus rien. Donc je veux dire, tout part à volo quoi. Donc on a aussi constaté de manière indubitable que le Bitcoin variait de manière totalement corrélée aux autres indices en fait, hein, et en particulier au Nasdaq. Le New York Times rapporte même que on est quasiment au 1 pour 1. Donc on est très très loin d'un or électronique en fait, hein, ça se comporte bah, tout simplement comme les autres actifs. Donc la baisse spectaculaire du Bitcoin ne fait pas peur à tout le monde, hein, remarque, puisque... enfin, de toute façon, quand ça baisse, il y a toujours des gens pour en acheter. C'est toujours d'ailleurs ce qui donne ce petit rebond. Mais bon, on regarde Nayib Bukele, hein, le président salvadorien. Le fait que ces 2300 bitcoins aient perdu facilement 30% depuis le moment où il les a achetés, ça l'a pas dissuadé d'en remettre une couche en rachetant 500 de plus, le 9 mai d'ailleurs. Alors, c'est certainement parce que son initiative est un succès. Je suis pas sûr complètement, puisque bon, en gros, il y a un bon tiers des salvadoriens qui n'ont jamais entendu parler du Chivo. Le Chivo, c'est le portefeuille bitcoin du pays. Et parmi ceux qui en ont entendu parler, bah 75% n'auraient jamais téléchargé l'appli sans le bonus de $30 qui était offert avec. Seuls 20% des gens utiliseraient le Bitcoin pour leurs achats de temps en temps, et ce sont, sans surprise, des jeunes, des personnes jeunes qui sont éduquées et qui possèdent déjà un compte bancaire. Donc, agir pour l'inclusion et bancariser les plus pauvres, tu parles. De toute façon, les commerces qui ont tenté le coup en reviennent, hein, parce que bon, même à El Zonte, donc El Zonte c'est Bitcoin Beach, beaucoup arrêtent les frais, pour une raison qui est très simple, hein, la crypto baisse et leur fait perdre de l'argent. Même problème pour les transferts de fonds internationaux, c'était un des arguments choc pour le Bitcoin. Mais qui va utiliser du Bitcoin pour les transferts alors que le taux de change ne cesse de baisser en faveur du dollar? Mais bon, Bukele continue à en acheter avec l'argent public, hein, et il organise même une grande kermesse Bitcoin à Bitcoin Beach, avec 44 pays pour discuter prospective Bitcoin. Alors je ne ferai pas la liste, hein, mais bizarrement la Centrafrique n'y est pas. Un timing particulièrement hasardeux quand même, en plein crash des cryptos. Mais bon, voilà. Même je ne sais pas si vous nous souvenez des Citycoins de Miami et New York. C'était à l'époque, on avait parlé de Suarez et Adams, les maires de Miami et les maires de New York, qui faisaient des concours de qui est la plus grosse, ou qui pisserait le plus loin, disons, avec leur salaire en Bitcoin. Ouais, moi, je veux mes premiers mois en Bitcoin, moi, je veux mes trois premiers mois en Bitcoin. Bon, ils avaient aussi lancé des monnaies, des crypto-monnaies municipal. Donc là, il y a le Citycoin de Miami, le Miami Coin et le Miami Coin qui a été donc lancé par Suarez. Écoute, elle a perdu 88% de sa valeur en un an, et le NYC Coin lancé par Adams a perdu 98% de sa valeur en un an. Bon, je sais pas si on peut considérer ce sont des succès. C'est le moment d'investir. C'est le moment d'acheter. Des crypto-monnaies, il en existe aussi des spécifiques, Guillaume. Il existe évidemment les stablecoins, dont la promesse est justement, comme leur nom ne l'indique peut-être pas tant que ça, de rester à peu près stable. Mais stable par rapport à quoi finalement? C'est peut-être ça le problème, Guillaume. Ben, c'est quand même un événement marquant et intéressant dans ce crash un petit peu généralisé. C'était le naufrage et le décès même des crypto-monnaies Luna et UST, qui sont en fait les deux faces d'une même coin, hein, voilà, Luna et UST. Alors, c'est un événement majeur, vraiment, hein, parce que c'est quand même l'effondrement et la disparition d'une crypto qui faisait partie du top 10 mondial il y a seulement quelques jours. En début de mois, le Luna valait $80 et elle est passée littéralement à zéro le 13 mai. Luna UST, c'était géré sur la blockchain Terra, et c'était effectivement une stablecoin qui était indexée sur le dollar, donc ça veut dire que la monnaie est censée toujours valoir exactement un dollar. Donc pour la fixer, Terra n'utilisait pas de garantie par des fonds ou des actifs collatéraux hein, qu'elle pourrait détenir par ailleurs. Elle utilisait une méthode algorithmique. Alors, ça avait suscité pas mal de curiosité et même d'enthousiasme, hein, parce qu'évidemment, si on peut se passer de réserve pour assurer la stabilité d'une monnaie, c'est tout bénef, bien sûr. Et aussi du scepticisme. Alors, le principe, c'était d'avoir deux monnaies siamoises, le Luna et l'UST, donc US Dollar Terra, Terra US Dollar. Donc, Luna et l'UST valent un dollar, et pour ajuster le taux de change, on brûle ou on crée des jetons d'un côté ou de l'autre. Par exemple, pour augmenter le prix d'un UST, on crée, donc on mint, un Luna qu'on vend pour acheter un UST qu'on brûle, qu'on détruit. Donc, un Luna est créé et un UST est détruit. Donc, les UST se raréfient, il y a moins d'UST, donc ça fait monter les prix. Alors, bien sûr, on peut aussi faire l'inverse, hein, selon les besoins, et ce mécanisme de régulation était censé stabiliser l'UST sur un dollar automatiquement. Ce qui paraît diablement intelligent, comme ça, comme mécanisme. Oui. Alors, le problème, c'est que ce système manipule l'offre pour ajuster donc le prix, et il suppose que la demande est là. Mais ce qui est rare est pas forcément cher, tu vois. Ma rognure d'ongle de pouce, elle est tout à fait unique, et je suis complètement persuadé qu'elle vaut pas un clou, parce que personne en veut, tu vois. je suis pas amourante, donc ça m'étonnerait beaucoup, mais bon. Et donc, quand il y a une vente... Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe quand il y a une vente massive du ST ? T'as beau créer des Luna, s'il y a personne pour les acheter, ben, ça remonte pas. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé mardi dernier avec une stablecoin à 65 centimes. La spirale était lancée et ça a été un crypto bank run. Les organisateurs ont vidé les comptes Bitcoin de la boîte hein, pour essayer d'endiguer la chute, mais c'était peine perdue. Luna était passé sous les 0,05$ le 13, jour où il a été retiré de Binance, 0,0005 d'ailleurs. Donc Luna, dans sa forme actuelle, est officiellement morte. Dans son sillage d'ailleurs, c'est Encore qui est dans la sauce. Alors Encore, faisait un autre truc, ça c'était quand même incroyable, si on y reprend. Enfin, bon. Encore, ça semblait trop beau pour être vrai, et manifestement c'était bien le cas, puisque bon, sur Encore, tu pouvais déposer des UST, donc des UST qui valent toujours un dollar, hein, je rappelle, donc aucun risque, et tu étais rémunéré à 19,5%. Ah, c'est pas une blague, hein, c'est un revenu passif de 19,5% par an sur une monnaie sans risque. Évidemment que tout le monde mettait ses UST chez Encore, hein, tu imagines bien. Fallait avoir confiance dans le projet. Et justement, quand la confiance s'est effritée, que plus de 7,5 milliards ont été retirés d'Encore en quelques jours, ben ça a signé l'arrêt de mort de Terra et probablement aussi de toutes les stablecoins algorithmiques hein, dans la foulée. Déjà, il y a le DEI qui sent le sapin. C'est une autre stablecoin algorithmique, le DEI, qui était, enfin en tout cas le 15, quand j'ai regardé, qui était en train de s'écrouler. Elle était hier à 60 cents, alors qu'elle est aussi indexée sur le dollar. Hein. Donc il avait déjà subi des attaques, le DEI. Hein. Il y avait des gens qui faisaient des prêts flash et qui l'ont déjà déstabilisé plusieurs fois, mais là, c'est quand même sa pire chute. Bon, écoute, dans un sens, c'est instructif. Je veux dire, le monde de la finance décentralisée, c'est un petit peu un terrain d'expérimentation à ciel ouvert. Donc on pouvait se demander si un mécanisme de crypto jumelles comme ça pouvait suffire à stabiliser une monnaie de manière robuste. La réponse, c'est non. Ça a pu fonctionner pendant un moment peut-être, mais pas à long terme. Voilà, vous avez l'actu de la crypto-monnaie entre vos mains. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de donner un prix pour la rognure d'ongle de Guillaume. Et je suis sûr que vous pourrez surenchérir les uns avec les autres dans les commentaires. Voilà, en Dogecoin, bien sûr. Bien sûr, en Dogecoin. En attendant, on va plutôt parler, ce sera plus sérieux, de jeux vidéo, parce qu'on a plein de petites news. Alors, on va commencer par Nvidia. Guillaume, est-ce qu'il ne nous montrait pas un petit peu le fonctionnement de leur carte Ouais, Nvidia commence à faire un peu comme tout le monde et à dévoiler le code d'une partie de ses drivers pour Linux. Alors pour le moment, ça concerne que la partie noyau des pilotes. Alors, il y a la partie OpenGL, Vulkan, hein, et la partie CUDA reste en source fermée, donc AMD et Intel font toujours mieux. Mais bon, c'est un début, voilà, Nvidia se dévoile avec timidité, je sais pas, c'est comme ça. Mais d'ailleurs, c'est un petit cachotier Nvidia, hein, puisqu'il aurait caché combien de cartes graphiques il aurait vendu pour les mineurs. Les mineurs de crypto-monnaie. Il aurait fait passer des cartes vendues aux mineurs pour des cartes pour joueurs. Et parce qu'évidemment, les cartes pour mineurs, c'est un marché qui est très très volatile, alors que les cartes pour joueurs, ben les joueurs y jouent, voilà, donc c'est un marché qui est beaucoup plus stable et durable. Et donc du coup, ça donne pas la même chose dans un bilan comptable. Donc ça peut être qu'un feu de paille, tu vois, les ventes de minage. Et bon, selon Asustec, d'ailleurs, cette demande est en train de disparaître totalement, ça y est. La demande pour les cartes graphiques pour le minage est en train de disparaître, donc voilà, youpi. D'ailleurs, la demande générale pour les PC et les smartphones de marque, pour les smartphones, commence à marquer le pas aussi, globalement. D'ailleurs, c'est Asustec qui dit ça. Pour le GPU, c'est manifeste, hein, puisque bon, alors, la rentabilité du mining Ethereum a chuté. C'est désormais assez faible, et comme on sait que le proof of stake est imminent, voilà, donc les cachonneries de Nvidia lui ont quand même valu une amende de 5 millions de dollars auprès de la SEC. On va parler un petit peu aussi de moteur graphique, parce que évidemment on a l'Unreal Engine 5 dont on a déjà parlé, qui envoie du lourd, qui envoie du pâté, et forcément on n'a qu'une hâte, c'est de le voir arriver dans les jeux vidéo qu'on utilisera au quotidien. Mais malheureusement il ne faut pas non plus faire de raccourcis et s'imaginer que toutes les configurations matérielles permettront de faire tourner les jeux avec ce type de moteur, avec les performances attendues. Non mais t'as vu ce que c'est, t'as vu les images? Oui, les images sont photoréalistes pour le coup. Enfin, c'est vraiment bluffant. Si vous voulez voir le futur, c'est simple. Hein. Il faut aller voir les démos d'Unreal Engine 5 de chez Quixel. Ils se sont donné 90 jours pour créer les scènes les plus impressionnantes possibles avec le moteur d'Epic et donc leur propre bibliothèque d'objets, de textures. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça déboîte. C'est Est-ce que t'as densité. Eu peur au moment où il y avait les zombies là, à l'extérieur à travers les vitres? Non, mais c'était vraiment super bien foutu. Mais tout était incroyablement bien foutu, quoi. La densité visuelle de chaque scène était proprement hallucinante. C'est franchement, il y a juste 5 ans, ces images auraient pu faire partie d'un court-métrage de démo pour Blender, tu sais, des trucs, on dirait du rendu offline, en fait, tout simplement. On dirait du rendu, sauf que c'est du temps réel. Je t'ai dit, les jeux de 2025, ça va défoncer. Bon, en attendant, si vous voulez pleurer un bon coup, je pense... Vous pouvez faire transpirer à grosses gouttes votre carte graphique avec Easy Benchmark, qui est donc fait avec l'Unreal Engine 5 et qui lui met tous les taquets au max avec ray tracing et compagnie. Et donc ça vous donnera une idée de si oui ou non votre carte est prête pour ses futurs sommets de réalisme et de beauté. Est-ce que ta configuration est prête à toi, Guillaume? Alors non. D'ailleurs, je soupçonne malheureusement que pour la plupart d'entre vous, sa réponse risque d'être assez proche du non. Voilà, je suis désolé, mais bon, voilà, pleurez un bon coup, mouchez-vous, ça fait du bien. On a des jeux, Guillaume, qui nous ont habitués à avoir des difficultés pour accéder, pour des raisons d'accès sur les serveurs. Et peut-être qu'il y a des jeux qui vont commencer à trouver une solution, mais peut-être qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, à ce que j'ai compris. Écoute, voir le futur, c'est fait, c'est bon. Pour vivre le futur, c'est simple, hein. Il suffit de jouer à Kingdom Hearts sur Switch. Qui n'est pas sur Switch en fait, hein, puisque c'est tout simplement un accès en jeu en streaming, donc le jeu est sur des serveurs distants. Donc déjà, tu peux pas jouer sans connexion internet, et tu peux pas jouer sans bonne connexion internet, parce que sinon c'est carrément moche. Mais ça suffit pas, parce qu'il faut encore que les serveurs soient disponibles et le réseau pas trop congestionné. C'est à tel point qu'avec sa dernière mise à jour, bah, c'est le jeu lui-même qui te donne des horaires où ça serait mieux que tu joues pas. Comme les affluences dans les restaurants, tu sais. C'est exactement ça. Il te dit gentiment, non, tu joues pas. D'accord, donc tu viens d'acheter 60 balles un jeu qui te dit de pas jouer parce qu'il y a trop de gens qui y jouent déjà. On croit rêver. Donc le cloud gaming, ça peut être très cool, hein, mais c'est pas sans inconvénient. Et quand en plus ça concerne des remasters PS2 ou PSP qui tournent mal en cloud alors que la machine aurait la puissance de les faire tourner en local, se posent quand même sérieusement les questions sur la santé mentale de Square Enix des fois. Hein. Ben ouais, c'est déroutant, écoute. Duke Nukem Forever, est-ce que tu y as beaucoup joué, toi, Guillaume? Alors, sur 360, j'y ai joué, figure-toi, oui, effectivement, à l'époque, c'est Duke Nukem. Alors, Duke Nukem Forever, c'est même pas un jeu, hein, c'est une légende. C'est un jeu, quoi. Alors, je sais pas si c'était en 2011, un truc comme ça. C'était pas une réussite tonitruante sur 360. Bon, c'était quand même amusant, globalement, mais c'était pas incroyable. Mais c'était pas très étonnant que ce soit pas une super réussite, parce que Duke Nukem, c'est une icône des années 90. D'abord en 2D, hein, c'était un jeu en 2D, puis après, c'est passé en simili 3D à la Doom. Et bon, c'est un pastiche parodique de tout le cinéma d'action de ces années-là. Et avec tout le mauvais goût qui va avec, quoi. Et évidemment, toute la catharsis que ça provoque hein, chez les adolescents de l'époque. Évidemment. Bon, tu as joué beaucoup, j'imagine. Non, pas du tout, en plus. Pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai suivi la légende. Je peux même pas prétendre y avoir joué. Non. Je te laisse cette responsabilité. Bah, Duke Nukem Forever, donc la suite de Duke Nukem 3D, devait sortir en 2000, enfin vers 2000, vers là, et il a changé de moteur, je sais pas combien de fois, il était remanié, maintes fois rebooté complètement par Gearbox après, pour sortir d'ailleurs à une époque où il appartenait plus vraiment en fait, c'est peut-être un petit peu ça le problème, une sorte d'anachronisme, et bon, il avait été montré quand même à l'E-Cube 2001, il était bien dans la continuité de ce qui se faisait avant d'ailleurs, avec un nouveau moteur. Et en fait, cette version originale, en quelque sorte, a disparu corps et bien. Et il y a 2 semaines, un miracle s'est produit. Elle est ressortie sur 4chan. Une version jouable, apparemment, de cette version de 2001 de Duke Nukem Forever a fuité. Et Georges Broussard lui-même, co-créateur de la série avec Todd Ruplogl, il a attesté de l'authenticité de la fuite. Alors, c'est pas un jeu complet, c'est juste une collection de niveaux de test, dont certains sont même quasi vides. Ça reste quand même une véritable trouvaille archéologique hein, de l'antiquité récente, on va dire, du jeu vidéo. Le thread 4chan a été éliminé, mais le fichier est encore disponible sur l'archive. D'ailleurs, le lien est dans le note de l'émission. Je l'ai téléchargé, j'ai pas encore réussi à le lancer, ça m'énerve. Ça a l'air un peu bordélique, j'ai pas passé énormément de temps dessus, mais bon voilà, en tout cas, c'est un truc à tester. Un fossile des jeux vidéo, c'est magnifique d'y assister. Un fossile. Electronic Arts arrête FIFA, il est question d'histoire de licence, bien entendu, Guillaume. Ouais, des quelques petites brèves, voilà, on va faire très vite pour boucler. EA Sports est désormais plus partenaire de FIFA et ne publiera donc plus les jeux de foot, dont il nous gratifiait annuellement comme une horloge. Hein. Depuis l'époque de la Super Nintendo. Oh bah oui, le mariage battait de l'aile depuis un moment. Après 25 ans, c'est compréhensible. Un mariage, tu sais, après 25 ans, on s'éloigne peu à peu, on se comprend plus. On n'a plus les mêmes personnes, on n'a plus les mêmes envies. L'exclusivité n'est plus si naturelle. Et puis, ces frais de licence sont vraiment chers quand même. Donc une page se tourne. Perso, je n'ai absolument rien à foutre, mais c'est quand même une page qui se tourne. Ben, sinon, il y a Starfield, donc le prochain méga blockbuster galactique de chez Bethesda qui se fait reporter encore à 2023. De même que Redfall, d'ailleurs, bon, le FPS coop avec des vampires. Bon, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, Starfield par Redfall, que ça me fait plus rien, en fait. Mon cœur et mes yeux sont secs. Mais bon, en fait, enfin, on va conclure sur une news inratable, parce que si vous êtes expert comptable, mais que ça vous suffit pas, que vous aspirez à plus dans l'existence, que votre rêve, c'est d'être expert comptable dans l'espace, à ce que tu vas dire. Eh bien, sachez qu'il existe EVE Online. Si vous pensez qu'il est difficile d'accès à EVE Online, détrompez-vous, vous serez dans vos petits chaussons isotonaires, mais c'est même pas une sponsor, car la prochaine mise à jour permet l'intégration avec Excel. Et oui, celui-là, le Microsoft Excel. Plus aucune raison, voilà, n'hésitez pas, lancez-vous vers les étoiles, voilà, une case et une formule après l'autre. Je tiens à rassurer tous les experts comptables, on vous aime bien entendu. Merci mais beaucoup. Bien sûr qu'on vous aime. Tu sais que en fait, c'est un tu super es expert métier, comptable. Hein. En fait, t'as une formation d'expert comptable. Non. Mais non, mais c'est un super métier, expert comptable. Et puis en plus, ça connaît jamais la crise. Oui, effectivement. On a toujours besoin d'experts comptables. C'est atroce. C'est sûr, mais c'est vraiment des souvenirs douloureux pour moi, ce type d'enseignement. J'en avais quelques heures de cours en IUT, j'ai souffert. C'était de la gestion d'ailleurs, c'était pas. Bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette revue de l'ActuTech essentielle de cette semaine. Surtout, si vous n'êtes pas abonné au podcast, vous devez de vous abonner à Tech Café. D'une part, parce que vous aurez des nouveaux épisodes comme celui-ci toutes les semaines, et aussi parce qu'en plus, le week-end, vous avez un épisode supplément week-end où on vous donne quelques news un petit peu moins essentielles, mais tout aussi intéressantes et captivantes. Donc, on compte sur vous pour vous abonner, on compte sur vous pour aller jeter un coup d'œil à patreon.com/techcafé, bien entendu, mais aussi peut-être pour aller retrouver, Guillaume, pour que j'aille pas là, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Mais je sais pas, sur Excel? Eh ben oui, forcément. Il faut que je me forme sur Excel maintenant. Bien sûr, c'est une composante de jeux vidéo essentielle pour aujourd'hui, eh ben mais oui. Pour demain. Avis à ceux qui font les tableaux croisés, les matrices dynamiques, etc. Bon, bref. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur guillaumevendée.fr. Et puis surtout, vous me retrouvez dans le prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous, vous me retrouvez peut-être sur Duke Nukem Forever si j'arrive à le lancer un jour, ça m'énerve, ça me le dira.